On va parler. Depuis hier, il y a un mouvement sur les médias sociaux qui est parti. Ça s'appelle hashtag On veut jouer. Évidemment, c'est pour mettre de la pression sur le gouvernement de François Legault pour redémarrer les compétitions, pas juste les pratiques, mais les compétitions et les matchs dans les différentes ligues. Et ça a fait vraiment boule de neige. On va parler avec l'instigateur de ce mouvement-là. L'ancien entraîneur des Saguenay de Chicoutimi, Marc-Étienne Hubert, qui est actuellement l'instructeur des Patriotes de l'UQTR. Bonjour, Marc-Étienne. Bonjour. Marc-Étienne, ça a fait boule de neige. Je viens de t'entendre avec Jeff, puis avec Jeff Fillion, puis semble-t-il que tu pensais jamais que ça allait faire ça. Non, exactement. On a parti ça de façon très humble, très humblement qu'on a parti ça hier avec les collègues, avec mon adjoint Mathieu Gravel, ici au programme d'Hockey des Patriotes. Puis le but, c'était de se faire entendre, c'est de montrer à nos athlètes qu'on était derrière eux, puis que nous aussi, comme personnel d'entraîneur, on était vraiment découragés de ce qui se passe, puis qu'on voulait mettre de la pression, là, se faire entendre pour que les joueurs puissent enfin recommencer à jouer, puis aussi que l'ensemble des sports universitaires et scolaires Ouais. puissent redébuter leurs activités. Est-ce que tu parles avec assistance ou pas d'assistance? Ou pour le moment, c'est quoi vraiment que ça revienne comme avant? J'imagine, et sans masque aussi, c'est très important aussi, là, l'histoire du masque. Ah, C'est peu un peu importe. ridicule, ça. Ouais, mais peu importe. On n'est même pas là, là. Nous, on n'était Ouais. même pas à assistance, pas d'assistance, masque ou pas masque. Nous, depuis le début de la pandémie, on a respecté à la lettre les consignes, même qu'on a été encore plus sévère dans nos protocoles sanitaires ici avec l'université puis le staff qui nous soutient. Donc, tu sais, nous, là, c'est pas une question de masque ou d'assistance, c'est vraiment une question de pouvoir jouer. T'sais, nos athlètes, ils demandent même pas que les estrades soient pleines. Ils veulent jouer, ils sont tannés de pratiquer. Ouais. C'est pour ça qu'on voit aussi l'exode des joueurs universitaires en ce moment, depuis le mois de janvier. Il y a beaucoup qui ont quitté les programmes, qui ont quitté les bancs d'école. Donc ça, c'est très triste parce qu'on peut pas jouer. On a joué juste 7 matchs en 2 ans. T'sais, on Ouais. comprend l'année passée, c'était difficile. On a mangé notre pain noir. On a eu notre saison qui a été annulée au complet. On n'a joué aucun match l'année dernière. Cette année, on a juste 7 matchs de jouer. Donc là, notre saison redémarre la semaine prochaine. On voulait se faire entendre pour qu'on soit capable de réintégrer notre ligue puis jouer des games à partir de la semaine prochaine. Ça a-tu donné des résultats, vraiment? Ben, ça a donné des résultats, mais est-ce que tu as eu déjà la pression que tu as mise? Est-ce que tu as parlé avec Isabelle Charest? Tu as parlé avec quelqu'un là-dessus? Non, pas du tout. Non? Pas du... Ouais, non. Moi, c'est ici là, on a la chance d'avoir l'appui de notre direction, un appui inconditionnel. OK. L'université sont très actifs là-dessus. Les démarches politiques, ce sont la direction qui les font. Moi, je m'occupe vraiment du programme en tant que tel avec les étudiants athlètes. Puis on a fait une job de terrain depuis hier avec les athlètes, mais toutes les démarches politiques avec la santé publique puis le gouvernement, c'est la direction qui s'occupe de ça. Nous autres, on attend d'avoir les réponses, puis on est informé à chaque jour de l'évolution de la situation. Mais pour l'instant, on est dans l'attente d'une réponse cette semaine pour ce qui est de notre droit de jeu qui redébuterait la semaine prochaine. OK. Dis-moi, hier, je parlais avec les gaillards de Chicoutimi au football, puis Nick Menachi, puis Nick me disait, pour le football, il dit, ces jeunes sont démotivés, sont perdus, sont... C'est sûr que c'est du Ouais. collégial, là, mais l'universitaire, quand même, l'universitaire, c'est quoi, 22, 23 ans, mais c'est quand même ça. Ils se posent des questions, eux autres, leur saison est faite, mais ils ont quand même un entraînement hivernal, puis... Il me disait, coach, Nick, il me disait, coach, quand je propose un entraînement à un jeune, je me faisais répondre, coach, pourquoi je ferais ça? Ça donne-tu vraiment de quoi? Est-ce que cette affaire-là est arrivée au niveau universitaire aussi pendant le confinement? Oui, ben, tu sais, dans la même lignée, là, tu sais, les gars, à force de pratiquer, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué dans les 2 dernières années. Il y a des moments où on avait juste le droit d'embarquer 3 joueurs sur la glace. Il y a des moments qu'on a embarqué 6, d'autres moments qu'on a embarqué 12, on est revenu à 18, on est retourné à 6, on est redescendu à 3. Là, il y a dernièrement, c'était 12, mais là, c'était 8, mais là, on est revenu à 25. Fait que, tu sais, on les a toutes vécues, les situations d'entraînement. Puis malheureusement, dans plusieurs des situations, c'était des entraînements qui étaient très, très peu motivants pour les athlètes. C'est n'importe quel athlète, dans n'importe quel sport, va aller dans la salle d'entraînement, lever des poids ou faire du cardio. C'est dans le but d'être performant pendant une compétition. Donc là, quand tu fais juste t'entraîner, puis tu vois pas le moment où ce que tu vas pouvoir mettre tes capacités physiques à contribution dans une compétition, mais ça devient très difficile de maintenir ta motivation au maximum. Puis ça, c'est la même chose pour les entraîneurs. Tu sais, les entraîneurs, on aime ça préparer des pratiques, on aime ça pousser nos athlètes dans un exercice, tu sais, à se dépasser, puis à mettre de l'intensité, puis à, tu sais, à être vivant. Sauf qu'à un certain moment donné, on veut coacher, on veut être en arrière du banc, on veut diriger, on veut amener des stratégies, on veut... Tu sais, donc, tout ça mis en place fait en sorte que la motivation en a pris un dur coup, puis ça en résulte que des étudiants universitaires quittent les bancs d'école en ce moment, depuis le début du mois de janvier. 76, que tu dis avec Jeff? 70 depuis le mois de janvier qui ont quitté sur 26 équipes. Si tu me permets, si je te fais une comparaison avec le hockey junior majeur, c'est comme si le hockey junior majeur perdait 150 joueurs en un mois. Il y a 70 joueurs universitaires qui sont partis depuis le mois de janvier. Imagine-toi, la Ligue junior majeure perd 150 joueurs en un mois. Ça pose quoi? Une catastrophe? Ben, c'est ça qui arrive en ce moment. Puis là, je ne te parle pas du sport. Le sport, c'est terrible. Là. Terrible, terrible. 70 joueurs qui partent, c'est terrible pour notre Ligue. Moi, je te parle des bancs d'école, des étudiants qui sont en train de faire un bac, qui sont en train de s'instruire, qui vont tantôt être des leaders de notre société. Ces étudiants-là, ils sacquent le camp. Puis on laisse faire ça, parce que là, on peut, en ce moment, on peut pas jouer, puis on essaye de se faire entendre pour que ça puisse changer. OK. C'est quoi la suite des choses? Moi, j'ai une suggestion à te proposer. Tu sais que l'année passée, Isaac Pepin avait fait une manifestation. Ça avait été une manifestation de sport. Est-ce que... Moi, t'es pas sans savoir que des camions qui s'en vont en direction de Québec, c'est pas juste une histoire de gros bras, là. Ouais. C'est un symbole, les camions. Là. C'est toute l'histoire. Est-ce que t'as l'intention de joindre à cette manifestation-là et d'emmener le côté sportif également? Parce que moi, je me dis, l'union fait la force. Ouais, non, écoute, c'est une bonne question, mais pas du tout. Nous, on le fait à notre façon. Okay. Nous, on s'est fait demander de le faire dans une façon sécuritaire et respectueuse. Ouais. C'est un mouvement hashtag qui est lancé sur les réseaux sociaux de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer de façon respectueuse et sécuritaire sur notre écœurant titre aigu, notre ras-le-bol de pas pouvoir compétitionner, d'être dans des situations de match. Ouais. On voit très bien que le monde du sport se mobilise en ce moment avec le mouvement. Il n'y a pas eu personne qui a pris la parole encore. C'est-à-dire que, excuse-moi, c'est le contraire. Il y a eu des gens qui ont pris la parole pour le sport dernièrement, mais les vrais acteurs du sport, les coachs, les athlètes, ils n'ont pas pris la parole encore. Puis ça, c'est un mouvement qui permet aux vrais acteurs du sport, les athlètes, puis les entraîneurs, puis le personnel alentour, de prendre la parole puis de dire « On est tanné, on veut jouer. » Point final. OK. Dis-moi, justement, au niveau du recrutement, parce que c'est très important, c'est la suite des choses, le recrutement, c'est un peu le même principe qu'au collégial. Ça doit être dur de recruter des joueurs quand tu ne sais même pas ce que tu t'en vas aussi, là. Très difficile. En ce moment, les gars à qui qu'on parle, c'est l'élite de la Ligue junior majeure du Québec. C'est des 20 ans. Ouais. Vous savez, vous avez sûrement vu le calibre de joueur qui est la France avec les Saguenay, qui a été échangé. Félix Lafrance qui a été échangé à Batters dernièrement. Mais il était dans les meilleurs pointeurs de la Ligue. Il a signé une entente avec nous pour se joindre au programme des Patriotes l'année prochaine. Donc, c'est ce genre de joueurs-là qu'on recrute dans l'hockey universitaire. C'est les meilleurs, c'est la crème de la crème. Julio Billard, l'ancien gardien de but des Sags, est également là, je pense, dans la Ligue aussi. Oui, lui, il n'est plus là. Par contre, mais il a fait un court séjour avec l'Université à Concordia. Okay. Mais tu sais, on a aussi Zachary Lavigne, qui a été capitaine pendant deux ans des Saguenayens, il n'y a pas si longtemps. Donc, tu sais, c'est le genre de qualité d'athlète qu'on recrute. Ben, ces athlètes-là, ils veulent jouer, là. Ils veulent faire des études. Ils veulent faire des études, c'est sûr. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour le bac, mais ils veulent aussi, qu'est-ce qui est rallié à leurs études? C'est le sport. Sinon, ils viendraient pas à l'Université du Québec à Trois-Rivières juste pour faire un bac s'ils pouvaient pas jouer au hockey. Ouais. Là, en ce moment, c'est ça qui se produit. Ils sont à l'université pour le bac, mais ils peuvent pas jouer. Là, on embarque sur la glace, puis on fait des pratiques. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a du découragement, puis il y a des athlètes qui quittent. C'est tout. Donc, la suite des choses, c'est quoi? Ça va s'arrêter là pour vous autres ou c'est Ben là, tout de suite? on attend les réponses de la santé publique puis du gouvernement. On espère beaucoup que le message va être entendu puis qu'il va y avoir des réflexions faites alentour du message, qu'on aura finalement le droit de pouvoir redémarrer notre saison la semaine prochaine lorsque notre ligue va redébuter. OK. Je veux te parler un peu un peu de marketing Hubert avec avec le niveau universitaire. Comment ça va d'abord la cohabitation avec les Lions cette année? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça va bien? Oh boy, ça c'est une question à 100 piastres, ça. Ouais. Écoute, c'est en deux étapes. Début d'année, ben en fait, je suis pas en train de dire que ça se passe pas bien, là. Tu sais, Marc-André Bergeron de l'organisation, je connais bien Marc-André, tout ça. On a établi là, des bonnes bases là, de travail ensemble. Éric Bélanger, qui est l'entraîneur-chef, je connais bien aussi son frère, Luc Bélanger, est mon entraîneur des gardiens. Un ancien du programme des Patriotes aussi. Donc, on a des très bons liens avec l'organisation. Tout s'est bien passé depuis qu'ils sont en place. La seule chose, c'est qu'on a des joueurs qui ont quitté les bancs d'école dernièrement pour se joindre au Lion. Je sais qu'eux ont un travail à faire. Eux, ils ont une business à rouler. Les taxi squads de la Ligue Ah, c'est ça. nationale ont vidé la Ligue américaine. La Ligue américaine s'est tournée de bord puis ils ont vidé la East Coast. La East Coast, ils ont eu à chercher des joueurs un peu partout. Effectivement, la Ligue universitaire canadienne est une belle place pour venir recruter des joueurs pour la East Coast et la Ligue américaine. Donc, tu sais, on comprend ces choses-là, puis on sait qu'ils ont un travail à faire. Sauf que de notre côté, de voir des joueurs quitter les bancs d'école, des étudiants athlètes quitter les bancs d'école pour s'en aller jouer dans la East Coast en plein milieu d'un cheminement scolaire, ça reste que c'est triste de voir ça. Est-ce que si la Ligue aurait joué, le Patriot de l'EQTR aurait joué, est-ce que ça a un lien, ça a sûrement un lien, là, quelque part, Ben, c'est directement relié à là? Ouais, ça. hein? Oh, C'est ouais, c'est clair, hein? sept matchs en 2 ans, Ah ouais, c'est dégueulasse, on peut pas penser qu'on perdra pas d'athlètes là. Ouais, c'est clair. dans une situation comme ça. T'sais, nous, on se croise les doigts qu'on obtienne finalement l'autorisation de jouer parce que éventuellement, si la situation reste la même, on va perdre d'autres joueurs, on va perdre d'autres athlètes qui vont tout simplement quitter. Marc-Étienne, gros merci. C'est fort agréable. On va te souhaiter la meilleure des chances. Félicitations pour cette belle initiative encore une fois. Tu t'ennuies pas trop des Saguenay? Est-ce que quelque part, tu t'es bien acclimaté à Trois-Rivières maintenant? Est-ce que tu t'es issu quand même à distance, les Sags? Je m'ennuie toujours de la région. Ouais, Je m'ennuie hein? de ma famille, je m'ennuie de mes amis, OK. je m'ennuie de mes racines. C'est sûr, j'ai le logo des Sags tatoué encore sur le cœur. Mon chum Yannick Jean, Rénal Nepton, toute Ouais. l'organisation des Saguenayens. Mes racines sont là, donc je suis jamais bien ben loin de la région, mais mon cœur est à Trois-Rivières maintenant avec le programme des Ben oui, c'est Patriotes, sûr. et je suis très heureux dans ce que je fais. Ouais. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Marketing, puis on va peut-être se reparler. All right, merci à toi pour la C'est tribune. Bonne lui qui est journée. le responsable du mouvement hashtag On veut jouer, l'ancien instructeur des Seigneurs du Chicoutimi, Marketing Hubert.